Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur un sujet un petit peu controversé. Aimer sans l'amour, sans amour. Et évidemment, c'est de traiter avec cette évidence qui est l'amour et du manque d'évidence qui est de ne pas aimer et d'aimer pareil. Donc, nous recevons Bernard ce soir pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Une belle journée de main. Feu d'artifice. Comment ça va, Mme Chiora? Va bien? OK. Alors, nous avons un sujet chaud, comme la température. Aimer sans amour. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, hein? Si on pose la première question, est-ce que c'est pensable de pouvoir être en contact avec une personne, de l'aimer et de ne pas vivre d'amour dans la relation? Est-ce qu'il y a une chimie? C'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Oh, non, non. Non. Non, aimer sans amour, ça veut dire pas savoir aimer. Puis pas savoir aimer, ça veut dire pas comprendre l'autre. Puis ça veut dire le faire souffrir pour rien. Donc, aimer, dans l'ordre de notre temps planétaire, c'est astral. On aime avec nos émotions, on aime en fonction de notre personnalité, mais on n'est pas capable d'aimer tout le temps. Constant. Fait qu'on aime quand ça fait notre affaire. Si elle brûle pas la soupe, on l'aime. Si elle brûle la soupe, on l'aime pas. S'il travaille, on l'aime. S'il travaille pas, on l'aime pas. Notre amour est conditionnel parce qu'on est des êtres, qui vibrons toujours notre personnalité. Fait qu'on fonctionne pas au niveau de l'esprit. Si on fonctionnait au niveau de l'esprit, on aimerait tout le temps. Mm-hmm. Mais aimer au niveau de l'esprit, c'est pas comme aimer au niveau de l'âme. Aimer au niveau de l'âme, c'est pour nous autres. Tandis que aimer au niveau de l'esprit, c'est un échange perpétuel. Mm-hmm. Aimer au niveau de l'esprit, c'est extrêmement abstrait, mais c'est très concret. Tandis que aimer au niveau de l'âme, c'est très concret, mais très, très, très, très irréel. Mm-hmm. Qu'est-ce qui manque dans l'amour d'âme? Ce qui manque dans l'amour d'âme, c'est des rapports d'esprit. Je suppose que dans l'amour d'esprit, il manque des relations d'âme. Pas nécessairement. Non? Dans les rapports d'esprit, il y a des rapports d'âme, mais les rapports d'âme sont assujettis à une plus haute vibration, dans ce sens qu'un être qui a de l'esprit ou dans un couple où il y a de l'esprit, les forces psychiques vont être très grandes, puis vont avoir le pouvoir sur les anomalies animistes, ou les anomalies animiques, ou les anomalies animales. Autrement dit, un être humain, dans le sens réellement universel du terme, c'est un être qui n'est pas affaisé dans sa conscience par des conneries de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Tandis qu'un être humain qui est animalisé, il est affaisé dans sa conscience par toutes les conneries de tous les jours. Quand vous dites affaisé? Affaisé, je veux dire que sa conscience n'est pas diminuée par les forces astrales. Un être qui est conscient, sa conscience n'est pas affectée par ses forces astrales. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, la subjugation de l'autre, le manque d'amour pour l'autre, qui est une forme d'assujettissement, n'existe pas parce que l'autre est toujours considéré comme étant la personne maximale, mm-hmm. l'être maximal. Tandis que dans l'amour astral, la personne est maximale quand ça fait ton affaire, ta femme est maximale quand elle fait l'amour avec toi, mais quand elle fait plus l'amour, elle est plus maximale. Quand tu viens trouver une grosse job, t'as un gros salaire, ton mari est maximal, mais quand il passe sa job, il est plus maximal. Fait qu'il y a des variations constantes. Parce que dans l'amour conscient, autrement dit, dans l'amour qui naît de l'esprit, de la lumière de l'âme, à ce moment-là, il y a une constante. universel. Vous semblez dire, en tout cas, que l'amour astral est très spéculatif. L'ego spécule avec l'ego de l'autre. Oui. Tandis que dans la relation d'esprit, ça semble être un investissement à long terme, où on supporte les variations à la baisse. Ouais. Dans l'amour de l'esprit, il y a une constante. Une constante universelle. Il y a une superimposition. Tandis que dans l'amour astral, l'amour astral, ça fait partie de la personnalité. T'sais, l'amour, c'est un petit peu comme la conscience. De la conscience mentale, quand t'es une conscience mentale, t'es en communication avec l'état universel. Fait que tu peux pas voir la vie comme tu la verrais, par exemple, au niveau de ton ego inconscient. Mm-hmm. Parce que tout est explicable. Mm-hmm. Mais au niveau de l'amour, c'est la même chose. Quand tu as un amour qui est conscient, tu le vis à partir d'un plan qui est supérieur à ton âme. Hein, donc, tu le vis à partir de ton esprit. Fait que tu n'es pas capable de tirer les mêmes conclusions au niveau de l'expérience. Mm-hmm. Puis cette sorte d'amour-là n'est pas pareil comme l'autre. Il est très différent de l'autre. Substantiellement différent de l'autre. Parce qu'il ne véhicule pas les mêmes vibrations. Mm-hmm. Quand tu es inconscient ou quand tu es astral, quand tu es au niveau de l'âme, au niveau de la personnalité, tu vibres certaines vibrations. Quand tu es mental ou quand tu vis dans ton esprit, tu véhicules une autre vibration. Donc l'amour ne peut pas être pareil. Mm-hmm. Ce sont des amours qui sont très différents. Je dirais pas qu'ils sont dissemblables parce que l'âme et l'esprit se lient quelque part dans l'organisation psychique de l'être. Mais ils sont différents, ces amours-là. Mm-hmm. Par exemple. Des êtres qui vivent l'amour au niveau de l'esprit sont libres. Mm-hmm. Tandis que des êtres qui vivent l'amour au niveau astral ne sont pas libres parce qu'il y a toujours des liens. Puis quand je dis libre, là, je veux dire libre en esprit. Tandis qu'au niveau astral, au niveau de l'âme, il y a des liens. Ouais. Mais on voit que beaucoup de gens qui vivent des relations d'âme exigent cette liberté-là. Mais exigent cette liberté-là pour... on voit beaucoup de gens qui ont eu une expérience de vie là, où il y a eu plusieurs couples ou plusieurs types d'échanges affectifs. Puis, en bout de ligne, ils disent, bon, ben dans la vie, moi, je veux pas être possédé, je veux pas qu'on me contrôle, je veux pas qu'on me domine. Surtout la femme va souvent dire, je veux pas être dominé par l'homme, je veux pas être contrôlé par l'homme. Ça, c'est une indication du genre de problème de l'amour humain. C'est que si la femme est obligée de dire, je veux pas être dominée, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a domination. Fait que dans le fond, elle demande un amour plus réel, plus fondamental, un amour qui est basé sur l'esprit plutôt que sur l'âme. Elle ne sait pas ça, mais elle l'intuit à cause de sa souffrance. Sa souffrance devient une mesure, une réflexion du manque d'amour qui vient vers elle. Sans ça, elle n'aura pas cette question-là. Mm-hmm. Une femme qui serait aimée par son mari en esprit n'aurait jamais à l'esprit cette question-là de ne pas vouloir être dominée, de ne pas vouloir être ci, de ne pas vouloir être ça. Parce que ça ne fait pas partie du domaine de l'esprit de dominer l'être. OK. À ce moment-là, si on dit que l'esprit laisse libre ou est libre, est-ce qu'on peut parler que l'esprit dans une relation est exclusive à l'autre? L'esprit est... Oui, parce que dans les relations où les gens souffrent le plus, c'est si vous avez une relation avec un partenaire, puis que le partenaire a un mouvement d'âme vers une autre personne, là tu souffres de possession. Tu sais, la grosse problématique du cocu, là. Cocu féminin ou cocu masculin, ça revient à une souffrance de perdre l'autre. Ok. Est-ce qu'on est en droit d'exiger ou de s'attendre dans une relation d'esprit à une relation exclusive, ou si c'est une totale aberrance, puis c'est quelque chose qui repose juste sur l'âme? La question d'exclusivité, c'est une question astrale. C'est peut-être une question astrale, mais c'est ce qui fait souffrir. Oui. C'est une question astrale, c'est une question de territorialité, ça vient avec le territoire. Mm-hmm. L'amour astral, si vous vivez l'amour astral, mais les conditions et les sous-conditions de l'amour astral, ça vient avec le territoire. Si vous vivez ou si l'homme vit un amour qui est mental, au niveau d'esprit-esprit, ces questions n'existent pas. Okay. Ça ne fait pas partie de la question fondamentale du couple. Ça ne fait pas partie de la question existentielle du couple. Un couple conscient ne vit pas, n'exprime pas ou ne subit pas les restreintes astrales de la source humaine inférieure qui est l'âme. OK. Donc, ces questions-là, c'est pas. Donc, vous êtes bien avec une personne. Puis pour le temps que vous êtes bien, ben c'est ce que vous avez à vivre, point final. C'est si la personne, deux heures plus tard, est bien avec une autre personne... Non, parce que ça fonctionne pas de même. Il y a une permanence. L'esprit, c'est pas libertin. Mm-hmm. L'esprit, c'est très permanent. Par contre, ce sont les questions fondamentales que l'âme pose ou que l'ego que l'ego incarné dans une conscience planétaire pose, qui n'existe pas sur le plan mental. Est-ce qu'on peut parler de droit et d'obligation dans une relation intime? Sur quel plan? Une relation intime, pas une relation amicale, une relation intime. OK. Dans une relation intime, les droits et les obligations sont en fonction de votre dysfonctionnalité psychologique. Ça veut dire que plus vous êtes conscient, moins vous avez de droits, puis moins vous avez d'obligations. Plus vous êtes conscient, moins vous avez besoin de droits, puis moins vous êtes sujet à des obligations, parce que vous êtes capable de reconnaître la nécessité fondamentale de l'échange. OK. Donc, ça ne se pose pas la question philosophique du droit quand tu es conscient. Il faut comprendre que l'esprit ne pose pas de questions. L'âme, oui. L'ego inconscient pose des questions parce qu'il n'y a pas de lumière. L'ego conscient ne pose pas de questions parce qu'il y a sa lumière, donc il y a sa réponse. Mm-hmm. Donc les fondamentales sont là. Tandis que dans l'expérience territoriale de l'homme, les fondamentales ne sont pas là. L'homme est à la recherche des fondamentales, puis on appelle ça l'évolution philosophique de son moi par rapport aux différents statuts planétaires, autrement dit, par rapport aux conventions sociales, qui changent dépendant dans quel groupe ou quelle race vous appartenez. Mm-hmm. Tandis que si vous parlez de la conscience mentale supérieure, l'homme dans son esprit, il y a une caractéristique universelle, et dans cette caractéristique universelle-là, les questions fondamentales n'existent pas. Vous avez des réponses perpétuelles, mais vous n'avez pas de questions fondamentales. Ça veut dire que c'est une question fondamentale de demander si c'est valable de vivre une vie de couple, ou si on ne devrait pas un jour ou l'autre tous se ramasser célibataire, puis être bien avec les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on les rencontre. C'est une question fondamentale. Ça, c'est une question fondamentale, donc c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question fondamentale qui se pose au niveau de l'âme, mais qui ne se pose pas au niveau de l'esprit. L'esprit traite comment avec une question fondamentale? L'esprit traite pas au niveau des questions fondamentales, il répond à une question qui vient d'un autre vers lui. Okay. Un homme qui est dans son esprit ne va jamais se poser une question. Okay. Un homme qui va venir vers lui va avoir besoin d'une réponse. Donc, son esprit va lui donner la réponse. Tandis qu'un homme qui est dans l'incarnation au niveau de l'âme, il se pose constamment des questions. Il y a deux sortes d'hommes sur la Terre. Il y a des hommes qui se posent des questions, mais des hommes qui donnent des réponses. Okay. La plupart des hommes sur la Terre se posent des questions. Bon. Avec le temps, avec l'évolution, les hommes auront des réponses. Mais quand tu as des réponses, tu les as plus pour toi, tu les as pour les autres. Fait qu'un homme conscient n'a jamais de questions pour lui-même, puis il a toujours les réponses pour les autres. Fait que lui, automatiquement, il n'y a pas de problème de fondamentalité. OK. Donc, il n'y a pas de réponse qui fait pour tout le monde. Il y a des réponses qui fit pour tout le monde, mais pour que les réponses fit pour tout le monde, il faut que tout le monde soit conscient du niveau de l'esprit, des lois de l'esprit. Mm-hmm. Fait que si on était sur une planète, ou si on avait une société où les hommes étaient réellement conscients des lois de l'esprit, autrement dit, où les hommes avaient un taux vibratoire suffisamment élevé mm-hmm. pour pouvoir communiquer par télépathie avec ces plans-là, à ce moment-là, on aurait ce condition-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un mode de vie, on va dire, d'amour, un mode de vie d'affectivité qui est au registre des gens d'esprit, puis un autre genre d'affectivité qui est au registre des gens qui vivent plus au niveau de l'âme? Au niveau de l'esprit, l'affectivité est totalement célébrale. Tandis qu'au niveau de l'âme, l'affectivité est réellement dans le plexus solaire. Mm-hmm. Bon. L'affection d'un homme conscient est totalement célébrale dans le sens que l'homme conscient puise dans sa relation humaine des vibrations qu'il va transformer en réponse. Et cette réponse-là, ça devient une affectivité. Mais ce n'est pas une affectivité ou une affection qui est basée sur l'émotion. C'est une affection qui est basée sur le caractère cérébral de l'amour, donc le caractère mental de l'amour. Bon, ça a quoi comme conséquence? Parce que j'imagine assez facilement que quelqu'un de cérébral n'aime pas, mais convient dans une construction avec des gens qu'il affecte bien. Là. Il y a une certaine affection, mais c'est une affection qui doit être conditionnelle à quelque chose. Dans les gens qui vivent ça au niveau de l'âme, il y a des critères de beauté, des critères d'attraction. Dans le cérébral, il doit y avoir d'autres. Il y a des critères aussi, ouais. Mais c'est d'autres critères. C'est ça. C'est quoi ces critères? C'est des critères qui sont basés plutôt sur la beauté, des critères qui sont basés sur l'harmonie, des critères qui sont basés sur la réalité de la personnification de l'être, donc de la personne, au lieu de la personnalité. Un être qui est conscient, qui est très, très vibrant, je vous donne un exemple. Bon, je prends ma femme avec mon exemple. Si je passe dans la cuisine, puis je dis à ma femme, Toto, ça c'est mon caractère cérébral d'affection. Je dis, Toto, comment ça va? Ou vous-même va dire, je dirais même pas comment ça va dire. Toto, je suppose que j'ai pas parlé pendant une heure, parce que j'étais dans le jardin, je suis rentré dans la maison. Mm-hmm. Fait que je pour, si signifier ma présence, puis signifier que tout est correct, elle va dire Toto, puis elle va me répondre de la cuisine pendant qu'elle fait ses patates, elle va dire Toto. Mais si elle ne dit pas Toto, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je m'attends à ce que j'ai un retour d'intention qui est Toto. Faut comme Toto. Faut comme envoyer le signal Toto. Fait que si elle dit Toto, tout est correct. Mm-hmm. Mais si elle ne disait pas Toto, là, je serais obligé, je serais amené par mon énergie en cuisine pour voir qui c'est qu'il y a qui ne va pas. Je serais instantanément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que supposé me dire Toto, ça fait partie du caractère occulte de notre amour mental sur le plan de l'esprit. C'est exclusif? Bien, ça fait partie, disons, de notre registre à nous autres. Chacun a son registre. Mais plus l'homme va entrer dans une conscience mentale, plus il va développer des principes de communication très, très subtils qui sont liés à l'harmonie, la beauté, la présence d'esprit, si tu veux. Ben, je reviens. Oui. Votre femme, elle rencontre quelqu'un, puis ça placote un petit peu chez vous, puis ça va bien. Puis elle pourrait dire Toto. À qui? À la personne qui vient d'arriver dans le salon. Non, c'est tous pour moi. C'est ça, je voulais savoir. Ouais, c'est exclusif en vibration. C'est ça, je voulais savoir. Je voulais savoir s'il y avait dans le cérébral que vous dites de l'exclusivité, que si vous perdez, ça va totoer d'une autre façon. Ah, ça va être une autre sorte de toto. Oh, c'est pas oh, le même. Effectivement. Oh, bon, d'accord. Fait que, ça veut dire qu'il y a des lois de l'âme dans un sens de territoire, puis des lois de l'esprit qui ont une drôle de similarité. Oui, ouais. Des taux vibratoires différents. Fait qu'il y a des exclusivités. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. J'aime ça savoir que c'est normal. Hein? Si. J'aime ça savoir que c'est normal. C'est très normal. Oui, oui. Tu sais, un bec ça joue qui se diffuse à 45 exemplaires, c'est plus le même bec ça joue quand il te revient, tu sais. Tandis que le bec ça joue qui est exclusif, on dirait qu'il y a de la valeur, celui-là. C'est comme une pièce rare, je sais pas. Ouais, c'est quelque chose qui... Mais est-ce que c'est de la personnalité d'être apprécié sur l'exclusivité? L'exclusivité, ça fait partie des lois territoriales, mais à un niveau qui varie selon la nature des forces en action. L'exclusivité pour un couple inconscient, ça existe. Puis l'exclusivité pour un couple conscient, ça existe. Mais ce qui change dans le caractère de l'exclusivité, c'est la non-possession ou la non-possessivité du droit. Ça, c'est des beaux mots, mais quand ça frappe carré là dans le... C'est violent, vous savez. Je peux pas... On rit tous les deux, là. Ouais, je sais que c'est violent. Ouais, mais c'est peut-être violent pour toi, mais pour moi, ça n'existe pas. Oui, parce qu'il n'y a pas eu à le vivre. Mais non, je ne le vivrai pas non plus. C'est chanceux. Comment que vous avez réussi? Parce que ça fait partie de l'amour de l'esprit. Ah, quand une personne aime en esprit, il est protégé contre toute forme de... Ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Hein? Fait que, je sais pas, vous avez des célibataires dans la salle, j'imagine, et puis ils rencontrent quelqu'un, puis s'ils réussissent à aimer quelqu'un en esprit, ça devient comme une plateforme pour bâtir quelque chose. Aimer quelqu'un en esprit, c'est pas l'affaire que tu vas pas chez Eaton pour en chercher une ligne. Non, j'imagine. Hein? OK, ça requiert beaucoup de transmutation du corps émotionnel. Puis beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps. Beaucoup de conscience. Ouais. Conscience. Donc, quand le travail a été fait sur les corps subtils, éventuellement, mais l'amour en esprit fait partie de la réunion des deux âmes, mais sur un plan supérieur. Donc, à ce moment-là, les questions fondamentales n'existent plus. Mm-hmm. Mais il y a un travail à faire. Ça peut être plus ou moins long, dépendant de la personne. C'est long parce que je vais vous dire une chose. L'être humain sur la Terre vit dans sa personnalité, une grande partie de sa vie. Puis quand vous vivez dans votre personnalité, vous ne réalisez pas les affronts que vous faites à l'autre. Constamment. Mmh. On fait constamment des affronts. Regardez vos couples. Puis vous allez voir que dans l'histoire de vos couples, il y a toujours un affrontement à quelqu'un. Elle brûle la soupe, il est en maudit, perd sa job, elle sac après lui. T'sais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que dans un couple conscient, ça n'existe pas, ça, cette dialectique-là, cette bataille de deux personnalités, ça n'existe pas. Mm-hmm. Ça serait terrible. Moi, vivre ça avec ma femme, ça serait abominable, la souffrance que je vivrais. Ça défait toute ta vibration. C'est abominable. Tu peux pas te permettre, quand tu as une conscience mentale, de vivre au même niveau de relation dynamique que tu vis dans une conscience inférieure. Tu peux pas. Mm-hmm. C'est parce que premièrement, tu es trop magnétique, tu es trop sensible, tu es trop vibrant, tu es trop centrique, tu es trop voyant. Tu peux pas vivre ça. Alors, quand tu es conscient, tu es obligé de transmuter tout ton être inférieur par rapport à l'autre. Sans ça, l'autre ne le prendrait pas. Moi, ma femme, elle prendrait absolument absolument pas que je me comporte par rapport à elle comme un homme inconscient se comporterait vis-à-vis une mmh. femme inconsciente. Mmh. Parce qu'il y a des registres de vibration là qu'elle sera obligée de rejeter simplement pour protéger son plexus solaire mmh. de la violence mmh. de mon comportement humain. Ouais, je comprends. Tu peux pas faire ça. Quand vous faites ça, là, c'est parce que c'est purement mécanique, mmh. mais quand tu vis ça, quand tu vis dans un couple, ça équivaut à la même chose. Mmh. Donc, si tu es conscient, là, moi, si j'étais dans ma famille, là, si je violentais ma femme psychiquement, mmh. ça équivaudrait à un choc comme ça. Mmh. Puis t'es débalancé pendant des heures de temps. Fait que c'est pour ça que l'amour mental, c'est d'un autre ordre. Ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de la transmutation de l'homme, ça fait partie de l'initiation. C'est le résultat bénéfique de l'initiation solaire. Mm-hmm. Puis c'est le raccordement de deux esprits. C'est pas être l'engendrement ou le raccordement ou la relation de deux âmes. Ça va beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Ma femme n'a pas à souffrir de ma personne. Si ma femme souffre de ma personne, c'est parce que ma conscience n'est pas assez grande. Fait que tu es obligé de partir d'un absolu pour pouvoir connaître puis être gratifié d'une expérience qui est absolue, dans le sens à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de variation. Mm-hmm. Fait que c'est plaisant d'avoir une femme avec laquelle tu ne vis pas de variation dans ce que vous appelez l'amour. Puis encore le mot amour, c'est un mot qui fait partie. Le terme amour, le mot amour, c'est un mot qui fait partie des conventions humaines en ce qui concerne le partage des émotions. Dans le fond, sur le plan mental, le terme amour est absolument non nécessaire parce qu'on n'a pas besoin de s'aimer dans le sens astral pour convenir qu'on est bien ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est un des grands pièges de l'expérience de l'homme sur la Terre. Pour être bien ensemble, vous êtes obligé de convenir que vous vous aimez, mais vous n'êtes pas capable de convenir que vous vous aimez parfaitement, donc vous ne pouvez pas être parfaitement bien ensemble tout le temps. Parce que dans l'amour mental, vous n'avez pas à convenir que vous vous aimez, puis c'est pour ça que vous êtes capable d'être bien ensemble tout le temps. Donc, le thème de l'amour, le mot amour, le concept de l'amour qui fait partie de la conscience de la race sur la Terre, qui fait partie de la conscience planétaire, c'est une convention psychologique qui aide l'ego ou qui aide l'être incarné à pouvoir se donner le droit d'être en présence d'un autre, dans une intimité, dont la configuration psychologique ou psychique statue qu'ils sont un à l'autre liés. Mm-hmm. Mais dans le fond, sur le plan mental, dans la conscience mentale, dans l'esprit de l'homme conscient, ces conventions-là qui font partie des paramètres de l'amour de l'évolution n'existent pas. Parce que dans un amour mental, dans une conscience mentale, la convention de l'amour est inexistante. La seule chose qui existe, c'est l'harmonie. Donc, c'est une force dynamique qui crée j'appellerais ça la beauté des rapports. C'est la seule chose qui existe. Fait que moi, pour moi, de dire que j'aime ma femme, c'est purement humain, c'est purement technologique, c'est purement psychologique, c'est purement dynamique. C'est simplement pour exprimer quelque chose que les hommes ont besoin de comprendre pour pouvoir mettre la main sur quelque chose. Mais dans le fond, pour moi, de dire que j'aime ma femme, ça veut rien dire parce que j'aime pas ma femme astralement. J'aime pas ma femme au niveau de l'âme. J'aime ma femme au niveau de l'esprit. Fait qu'à ce moment-là, c'est dans les rapports dynamisés de nos deux consciences qu'il existe cette harmonie-là qu'on appelle planétairement de l'amour. Si j'arrivais à ma femme, moi, puis je me comportais par rapport à ma femme comme vous autres vous comportez par rapport à vos femmes que vous aimez, puis je dis, chérie, je t'aime, elle rirait. Elle dirait, ouais, t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'une Tylenol? Pourquoi? Parce que c'est une convention qui fait partie de la conscience de la cinquième race racine, alors que sur le plan mental, cette convention-là n'existe pas pour la simple raison que tu ne peux pas utiliser de l'affection dans l'esprit. Ah, c'est intéressant. Ben oui, c'est évident. C'est ça qui donne la permanence. Qu'est-ce qui donne l'impermanence à votre amour? C'est parce qu'il y a toujours de l'affection dedans. Il y a toujours de l'émotion dedans. Tandis que dans l'amour mental, il n'y en a pas d'affection liée à l'émotion. Il y a de l'affection qui est purement cérébrale, dans le sens que c'est un jeu corporel. Mm-hmm. Qui fait vibrer le corps si tu as un petit tape ses fesses, ou qui va faire vibrer d'autres choses si tu sais ailleurs. Mm-hmm. Comprends-tu? Fait que pour vous, la convention qu'il y a au niveau de l'âme entre deux individus, c'est simplement une gestion des émotions entre C'est simplement une gestion des énergies émotionnelles. Ouais. Donc, si tu es conscient, tu fais une bonne gestion des énergies émotionnelles. Parce que ma femme, si elle est dans son cycle menstruel, mais je sais que dans ce temps-là, ben, t'es plus délicate. Fait que je vais être plus délicat. Parce que dans un cycle mensuel, la femme est plus délicate. Mais ça, ça fait partie de la science de l'esprit, ça fait partie de la sensibilité de l'être conscient. Parce que vous autres, quand votre femme est dans son cycle menstruel, vous allez, au contraire, y arriver avec des situations qui vont la mettre encore plus en crise. Vous allez dire, ah, mais la femme est dans son cycle menstruel, elle est de même. Fait que l'amour de l'esprit, c'est bien différent de l'amour. Bon, l'amour de l'âme, là, parce que ça, c'est celui qu'on connaît le plus, vous semblez dire qu'il y a une convention, puis la convention est basée sur cette gestion du corps émotionnel là. Bon, est-ce que, plutôt, je vais poser la question différemment, c'est quoi la convention d'une relation permanente entre deux individus en esprit? Il n'y en a pas de convention dans l'esprit, c'est sur le plan de l'âme qu'il y a une convention. Il y a juste la convention là, mais il y a quand même du monde qui reste ensemble longtemps. Parce ça que là, ça nécessite pas une convention, c'est justement parce qu'il n'y a pas de convention qu'il reste ensemble longtemps. À partir du moment où vous avez des conventions, vous avez des conditions. À partir du moment où vous avez des conditions, vous avez des besoins de rapport, vous avez des besoins. Tandis que dans le monde mental, dans l'esprit, tu n'en as pas de besoin. Il y a un plaisir fondamental de vivre ensemble parce que, mais étant mental, tu peux communiquer avec l'autre. Mais il n'y a pas le besoin astral, animiste que tu as quand tu es inconscient. Ça ne fonctionne pas pareil. Ça veut pas dire que. Quand je dis qu'il n'y a pas de besoin, je veux dire qu'il n'y a pas de besoin au niveau de la conscience astrale planétaire. Il y a un besoin au niveau de l'esprit. Deux esprits, ça veut parler ensemble. Mais deux âmes, ça veut se pogner ensemble. Ça veut se tenir ensemble. Ça veut se... Lâche-moi pas ensemble. Laisse-moi pas ensemble. Reste avec moi tout le temps ensemble. Tandis que dans le monde de l'esprit, c'est pas de même. OK. Si dans le monde de l'esprit, c'est pas de même, ça veut dire que c'est pas nécessaire pour une personne d'établir une forme quelconque d'appartenance à un autre. Là, vous niez. Là, ça équivaut à nier la convention pour en créer. Ça équivaut à nier la convention pour en créer une négative. Vous faites encore le même jeu. Il n'y en a pas de convention. OK, il n'y a pas de convention. Non. Il y a quoi qui établit la permanence? Ce qui établit la permanence, c'est le plaisir que deux esprits ont à vivre ensemble. Bon, moi, la seule raison pour laquelle ma femme reste avec moi, c'est parce qu'il y a de l'harmonie entre nos deux esprits. Sans ça, partira. OK. Puis 10 personnes qui sont bien d'être ensemble, ça va faire 10 personnes qui ont la même relation? 10 personnes qui sont bien ensemble vont être bien ensemble. Ça va pas être la même relation, mais il va y avoir une grande proximité d'esprit. Bon, mais Bernard, je veux savoir qu'est-ce qui fait la particularité. De quoi? D'une relation avec une autre personne. Moi, j'ai pas la relation avec vous parce qui est au même que, registre parce que avec votre femme. Tu peux pas avoir dans la vie deux êtres pareils. Ça, c'est correct. On n'a pas de problème avec ça. Mais il y a quand même des gens qui ont une priorité dans notre vie, qui sont d'un bon, niveau... Les êtres qui ont la priorité dans la vie, quand tu es conscient, c'est les êtres qui ont le taux vibratoire le plus ajusté au tien. OK. Ça, c'est déjà beaucoup, ça. Moi, si tu me trouves une femme demain matin qui a un taux vibratoire semblable à ma femme ou plus élevé que ma femme, elle sera partie. C'est terrible. Non, parce ça veut que dire qu'il n'y a pas de permanence. Non. C'est une façon de parler. Tu regardes ça encore avec les yeux de la personnalité, avec les yeux de l'âme, avec le territoire, avec la fête. Je ne veux pas perdre, puis je veux garder ma femme. Papa. Ça ne marche pas de même. Moi, je n'ai pas l'inquiétude que je vais rencontrer une femme qui a un taux vibratoire plus élevé que ma femme, parce que ma femme a vécu trop de transmutations. Fait qu'il n'y en a pas. C'est correct. Fait que j'explique le problème que c'est d'ordre vibratoire. Ça veut dire que si moi je rentre dans une relation, ça se peut que je gagne par défaut, parce que les autres ne sont pas capables de pogner mon taux vibratoire. Que tu gagnes par défaut? Ouais, je vais gagner. Je vais être dans une relation par défaut. Avant d'en avoir brûlé 45, là, mais les 45 n'auront pas mon taux vibratoire, donc je gagne par défaut. C'est très possible. Non, mais c'est important, vous riez, mais c'est votre cas aussi. C'est très possible. C'est très possible. Parce que ça semble être une affaire d'élimination. C'est très possible. Par contre, dans le processus d'en avoir brûlé 45, elle va être transmutée ses niaiseries. C'est ça. Fait qu'éventuellement, elle va avoir un taux vibratoire qui va coïncider plus avec le vôtre. Ça revient avec la même affaire. Ça fait que ça vient que de l'esprit, ça brûle de l'âme, puis ça devient gagnant par défaut. Ça devient gagnant, point final. Par défaut, la seule raison que vous parlez de par défaut, c'est parce que vous êtes obligé d'attendre que ça arrive. Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne, pareil. Ben oui, mais que vous voulez, je vous dis, on a toutes nos mesures de temps différentes, hein? C'est ça. Mais ça dépend comment est-ce que vous êtes willing, vous, en tant qu'homme, de précéder l'alliance au lieu d'attendre qu'elle vienne à vous. Ça veut dire que vous transformez vous-même par rapport à l'autre. Si vous restez sur vos positions par rapport à la femme, c'est évident que vous allez être obligé de vivre le couple dans un temps plus lointain. Mais si vous vous transmutez par rapport à la femme, vous allez vivre votre couple plus vite. C'est vrai pour la femme aussi, non? C'est vrai pour la femme aussi. Faut changer par rapport à l'autre. Il faut se changer soi-même par rapport à l'autre. Pourquoi par rapport à l'autre? Non, il faut se changer soi-même. Si l'autre est là, mais c'est par rapport à l'autre. Moi, j'ai été obligé dans ma vie de me changer moi-même par rapport à ma femme parce que j'étais trop impliqué avec les forces occultes. Mm-hmm. Fait que si je l'avais pas fait, j'aurais perdu ma femme. Je me dis ma femme, mais je me change moi-même. Autrement dit, le contrat que j'ai avec les forces occultes, je le tasse de côté puis je m'occupe de ma femme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mm-hmm. Bon, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en tant qu'homme. Même si on n'est pas des initiés, c'est la même chose. Il faut qu'on regarde toujours l'homme plutôt que les forces en nous autres qui nous motivent, qui nous poussent étrangement. Qu'est-ce que l'homme a changé par rapport à la femme? Il a à comprendre que la femme ne doit être aucunement dominée. Aucunement. Puis quand je dis aucunement, là, si vous saviez ce que je veux dire, vous verrez, ça va être bien long avant que ça arrive. Aucunement dominée. La femme doit être un être en esprit, comme l'homme doit être un être en esprit. La femme doit recueillir chez l'homme, ou dans l'expérience avec l'homme, elle doit recueillir ce qu'elle n'a pas, donc sa force, toutes les choses. Puis l'homme doit recueillir dans la femme ce que lui n'a pas, c'est-à-dire sa sensibilité et ses autres perceptions. Les deux doivent converser ensemble, même si les deux ont un langage différent. Mm-hmm. Ils doivent converser ensemble. Parce que la femme voit des choses, sent des choses, perçoit des choses que l'homme, à cause de son véhicule, ne perçoit pas, et vice-versa pour la femme. Donc, il va falloir que l'homme comprenne la femme, il va falloir que la femme comprenne l'homme, ça fait partie de l'évolution. Sans ça, ben, vous allez avoir des guerres de territoire, ou vous allez avoir des dissolutions de vos couples, que vous appelez, vous autres, dans le temps moderne, les divorces ou les séparations. Ce qui est une perte d'énergie énorme, autant pour vous autres que pour vos enfants. On dit souvent que les hommes sont chasseurs. Est-ce que c'est la femme qui rend l'homme chasseur, ou si l'homme est chasseur parce qu'il doit être chasseur, et puis que la femme est l'escalier victime dans un sens, là? Ouais. On dit que l'homme est chasseur parce qu'on établit une catégorie, on est obligé d'établir une catégorie pour donner à l'homme une caractéristique sociologique. Puis on veut dire que la femme, elle aime ça se faire chasser parce qu'on est obligé, elle aussi, de donner une catégorie pour établir une fonction sociologique. Pourquoi? Parce qu'on est obligé, parce qu'on est des êtres pensants, hein, de situer un par rapport à l'autre afin de créer une polarité qui est suffisamment développée pour qu'il y ait un magnétisme quelconque qui se crée. Mm-hmm. OK. Ça fait partie des lois biologiques. Mais sur le plan mental, quand tu es conscient, il n'y a plus l'affaire d'être chassé puis de chasser. Non. Moi, je me rappelle pas d'avoir chassé ma femme, puis je me rappelle pas ma femme d'avoir été chassée par moi. T'sais. Parce que c'est très astral, ça, le concept de je te chasse puis tu me chasses. Tu sais, quand t'es conscient, tu rencontres, puis il se crée un développement dans cette rencontre-là. Moi, je me rappelle pas avoir chassé ma femme. J'ai dit, c'est comme je m'en plus ce que j'ai dit là, mais j'ai dit comme Joe, je me rappelle ce que j'avais dit. J'avais dit aimez-vous le théâtre, aimez-vous les voyages, aimez-vous deux trois affaires même là, j'avais dit. Puis elle a dit oui. Ah, j'ai dit, il y a une possibilité. C'est plus loin de la chasse que je suis allé. Puis quand je l'ai sorti le soir, on est allé au parc La Fontaine, parce qu'il faisait chaud, puis elle s'est assise sur une balançoire, puis j'ai poussé sa chaîne, t'sais, pas ses fesses, sa chaîne. T'sais. Fait que c'était pas la grosse. Puis je suis sûr qu'elle, elle n'était pas intéressée à se faire pousser ses fesses non plus. T'sais. Fait l'affaire de chasse, puis pour chasse, ça fait partie des conventions de l'art. Fait qu'au niveau de l'esprit, je voulais simplement créer un petit peu d'ambiance mentale. Là. T'aimes-tu ça, les théâtres? T'aimes-tu ça, aller aux vues? T'aimes-tu aller voyager? Elle dit oui, mais c'était réglé, notre affaire. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Ça dure longtemps. Tandis que nous autres, là, c'est compliqué. Les roses, le vin, baisse la lumière, il faut que le gars arrive dans l'appartement un petit peu avant le temps. T'sais, vous êtes réellement, vous travaillez bien fort, vous autres, pour chasser puis être chassé. Fait que pour moi, c'est une grosse perte de temps. Continuez. Bon. Mais j'ai rien contre ça. Non, mais c'est cute. Ma fille, elle s'en va, là, elle va se faire chasser tout à l'heure, là. Elle commence à être grande, là, elle commence à des petites jupes courtes, là, pis c'est cool, tu sais, elle a des grandes jambes, là, ben, là, elle s'en va en Californie tout à l'heure, là. Lui, il va la chasser. Ouais. Mais elle, elle ne vivra pas l'affaire d'être chassée. Là. Mais elle va avoir le plaisir, par exemple, de son intention. Puis son intention est bien placée, puis est délicat, à ce moment-là, ça va faire son affaire. Mais elle, dans son mental, elle a dépassé l'affaire d'être chassée. Mais lui, il ne connaît pas, fait qu'il va chasser. Mm-hmm. Fait qu'il va savoir ce soir que quand il va chasser, qu'il y a d'autres conditions pour dealer avec ma fille, que c'est pas une de la chasser. Il faut qu'il y ait d'autres choses dans l'équation. Fait que ça va être intéressant de voir ça tout à l'heure. Mm-hmm. Fait que quand tu es conscient, tu ne fonctionnes pas comme quand tu es inconscient. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne quand on est conscient. Parce qu'on commence à. En tout cas, il y a quelques-uns que je connais au féminin aussi, qui sentent un changement et puis qui supportent justement plus le chasseur, qui sont plus capables d'endurer des chasseurs, puis qui n'endurent plus les conditions aussi d'attendre après une situation pour que ça se développe et que ça s'enclenche. C'est ça. Là, on est dans une société, en tout cas pour les gens qui se développent un certain niveau de conscience, où il y a une problématique profonde, c'est comment s'engager, puis sur quelle base s'engager. Ah, ben c'est ça. Là, c'est le gros problème. Parce que là, on est obligé de tout refaire ce qu'on a défait. On est obligé de tout restructurer ce qu'on a défait. On a défait beaucoup. Vous savez que les hommes et les femmes, depuis 20, 25 ans, ont défait beaucoup dans leurs relations humaines parce que il y a eu des avantages dans le passé qui sont maintenant des désavantages. Puis, par exemple, la femme a été tellement dominée pendant l'évolution qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la télévision, l'information, la femme n'est plus capable d'en prendre. Elle ne peut plus apprendre, mais elle demeure inconsciente. Mm-hmm. Mais au moins, elle ne peut plus apprendre. Mm-hmm. Ça, c'est déjà très bon. Ben, à partir du moment où une femme est plus capable d'apprendre, elle ne peut plus apprendre, puis qu'elle deal avec un homme, l'homme est très démuni. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est une femme, ça a toutes les atouts de la beauté, donc de la sensualité. Donc, il n'y a pas une femme. Une femme, si ça veut, ça peut avoir un homme. Dans le sens que temporairement parlant, je veux dire. Mm-hmm. Une femme, là, ça va au bar, là, puis elle s'agit d'un gin and tonic, là, puis elle attend. Puis elle a qu'à se faire à la patte un petit peu de même, là. Je parle d'une femme, là, qui a une certaine apparence, là. Puis encore, il y a toujours, chaque torchon trouve sa guenille. Elle se fait à la patte un petit peu comme ça, puis c'est évident qu'il y a un vendeur qui va arriver, ça sera pas long. Bon, c'est pas un gars qui va devoir marier, mais ce que le principe que je veux dire, c'est qu'une femme, ça peut toujours trouver un son de cloche à son talon. Tandis qu'un homme, c'est pas toujours pareil. Un homme s'en va au bar, il a beau trouver la femme, si elle veut rien savoir, il est fait. Puis la femme moderne, si elle le retourne d'abord, l'ego, il va prendre une claque. Mm-hmm. Tandis que la femme, elle n'a pas de problème d'ego, elle. Elle joue son petit talon, puis là, ça va venir. L'un va venir, l'autre va venir, puis elle va toutes les voir, parce que la femme, elle a une expérience psychologique d'humanité morte. Elle sait qu'on est tous sans dessin. Fait qu'il y a un qui va arriver et dit, c'est quoi ton signe astrologique? Là, on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis on a toutes nos petites games là, qu'on joue les hommes là, parce qu'on est réellement, réellement pas en possession de nos moyens. On est réellement gelé devant la femme. On ne sait pas quoi faire. Fait que la femme qui sait moindrement ça, là, qui est moindrement là, un petit peu allumée, là, le gars il est fait à l'os. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bon, OK. Ce que je comprends, c'est que bien des femmes sont tenues de jouer du talon. Ça, je comprends ça aussi. Que bien des femmes, quoi? Qui sont écœurées de jouer du talon. Ah, ben oui, mais là, je viens de vous expliquer qu'il y a tellement de choses qui ont été mal faites qu'aujourd'hui, les femmes sont tannées de jouer du talon, puis les gars sont tannés d'être des étalons. Comprends-tu? On est tannés. Mais ça, c'est le prix qu'on doit payer pour passer de l'évolution à l'évolution. Mm-hmm. Fait que quand on rencontrera, quand que les femmes seront intelligentes, qui n'auront pas l'émotion sur le bras, puis que les gars seront respectueux de la femme, qui ne seront pas dominateurs, puis que les deux se rencontreront ensemble, ça sera bien, bien, bien facilement. Ils partiront facilement ensemble, mais ils ne partiront pas ensemble avec les mêmes paramètres qu'il y avait dans le passé. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je dis. Il faut falloir que l'homme change, il faut falloir que la femme change, il faut falloir qu'un connaisse, comprenne l'autre. Puis après ça, quand ils vont se rencontrer, la femme n'aura pas besoin de jouer du talon, puis le gars n'aura pas besoin d'être un étalon. Mm-hmm. Mais tant que ça ne sera pas fait, il va falloir que la femme joue du talon, puis le gars soigne les talons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de respect entre les êtres. Mm-hmm. Il y a simplement des avantages qu'un voue par rapport à l'autre. Il y a simplement des désavantages que l'un perçoit par rapport à l'autre. Okay. Il n'y a plus de respect. Fait que tant qu'il n'y aura plus de respect entre les hommes et les femmes, on vivra les conditions de l'évolution du 20e siècle. Puis à ce moment-là, il y aura beaucoup de solitude, il y a beaucoup de femmes tout seules, il y aura beaucoup d'hommes tout seuls. Oui, parce que les gens ne savent pas sur quelle base s'engager. Exactement. Puis c'est pourquoi qu'on ne sait pas comment, sur quelle base s'engager. Moi, je m'en venais à Salut-Sainte-Catherine le soir où Salut Drummond, puis il y avait trois filles, là, trois petites juives, là. Puis il y en a une qui pleurait. Puis moi, m'engager une conversation, c'est pas difficile. Fait que j'ai dit à la fille, j'ai dit, ouais, en anglais, j'ai dit, qu'est-ce qui va pas? Je peux-tu vous aider? Puis il y en a une qui est venue à la rescousse de l'autre qui pleurait, puis elle me dit, non, elle pleure, pourquoi? Elle pleure parce que les hommes ne sont pas gentils. Salut, là. T'as trois petites filles, là, qui sortent, là, pour avoir un party fun. Rencontrer quelqu'un, aller danser, pour avoir un verre, aller manger. Puis il y en a une qui pleure, pourquoi je sais pas que c'est arrivé dans la soirée. Mais elle pleurait profondément, pourquoi? Parce que les hommes n'étaient pas gentils. Fait que c'est triste. C'est triste. Fait que tu vas pas voir un homme pleurer parce que les femmes ne veulent pas de lui, mais l'homme va être senti seul. L'homme peut, il y a des hommes qui peuvent vivre la solitude parce que les femmes ne veulent pas d'eux, ou les femmes vont pleurer parce que les hommes manquent de gentillesse. Fait que quand ça sera éliminé, ça, ça sera tossé, puis que les hommes seront réellement bien dans leur peau, puis les femmes bien dans leur peau, ça va être très très facile de faire, d'avoir des couples, puis d'avoir ce qu'on appelle un amour conscientisé. On creuse ça un petit peu? Oui. Parce que c'est toujours mieux disant. Oui. La femme, elle, que l'homme n'a pas été gentil, quand ça fait un rendu au dixième qui n'est pas gentil, tous les hommes sont dans le même portrait. Fait que le gars, quand il rencontre la fille, il est toujours prêt avec la mémoire qu'elle a des hommes. Puis même si lui veut changer, ou s'il est en changement, ou s'il a changé, il est toujours taxé avec la mémoire de la femme. Je vais vous dire une chose. Une femme qui rencontre un homme qui était gentil, même si elle a été bafouée par 50 hommes qui n'étaient pas gentils, elle va le reconnaître. Elle va le reconnaître? Ah oui. Un homme qui est gentil a un comportement qui est bien différent des hommes qui ne le sont pas. C'est quoi? Ça dépend de l'homme. Il y a un comportement qui n'est pas pareil. Ah, mais c'est important, un homme qui est dans son identité, un homme qui n'a rien à prouver, un homme qui est bien dans sa peau, là, il va se manifester par rapport à une femme d'une façon qui va automatiquement y convenir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas mettre sa défense. Pourquoi? Parce qu'il ne jouera pas les lois de territorialité. Pourquoi? Parce qu'il va faire un échange. Pourquoi? Parce qu'il va être réellement gentil, c'est-à-dire que il va utiliser de l'affection sociale. C'est ça, de la gentillesse. Mm-hmm. C'est de l'affection sociale. Puis, avant de rentrer dans de l'affection réellement intime, il va rentrer dans de l'affection sociale. Mm-hmm. Je vous donne un exemple de la politesse. Mm-hmm. La fille, elle s'en vient à son auto, il va y ouvrir la porte. Elle est grosse, la porte de l'auto. Elle a des grands ongles, elle s'est mis belle pour lui. Elle risque de casser ses ongles, ça rouvre les portes. Surtout si c'est un char américain. Fait qu'à ce moment-là, elle va le savoir, ça. Mais si le gars, il a ses vieilles mémoires, puis il dit, ah, ben, les femmes aujourd'hui, elles veulent pas se faire ouvrir les portes. À ce moment-là, mais il va peut-être tomber sur une femme qui a une grande sensibilité, puis qui sait apprécier se faire ouvrir une porte. Mm-hmm. Fait que ça, c'est tout. Il y a des petites choses qui sont naturelles. Tu sais, on a beau dire, on est moderne, nous autres, là. On est moderne. Mais moi, je vais donner un autre exemple. Parce que là, le cerveau me mâche, tu me poses des questions. C'est bon. Je regardais la télévision après-midi. Lana Turner est morte, Lana Turner? Tina, ça. Lana Turner. Pas non. Tina, Lana. Lana. Bon. Dans la même famille. Une actrice des années 40-50. Puis, le journaliste, il parlait des stars dans ce temps-là, dans Hollywood, blah, blah, blah. Puis il disait, dans ce temps-là, les femmes étaient belles, étaient réellement belles, puis élégantes, et tout. Puis l'autre, il demandait, il disait, pourquoi est-ce que les actrices sont plus belles et élégantes? C'est rien que des films qui sont belles et élégantes. Mais quand ils sont à sa rue, là, chez Steinberg, puis il disait, il n'y a plus de monde élégant pour recevoir des artistes élégants. Autrement dit, la masse n'est plus élégante. Comment est-ce que tu veux que des acteurs ou des gens qui sont là, qui font partie de toute la dynamique artistique, là, comment tu veux que des gens de même soient intéressés à être élégants? Quand il n'y a plus de monde élégant dans la rue, vous pouvez le savoir. Fait que c'est un petit peu la même chose au niveau de la relation entre l'homme et la femme. Si le gars arrête d'être élégant, autrement dit, il devient médiocre, parce que l'élégance, ça fait partie de l'esthétique, ça fait partie de l'harmonie, ça fait partie de la beauté, c'est pas une affaire qui appartient à son mec au 19e siècle, l'élégance. Fait que si le gars il a perdu ça, l'élégance, dans ce moment-là, ben, il y a quelque chose qu'elle a le besoin pour reconnaître sa définition qu'elle pourra pas avoir. Fait que tu perds ça, tu perds ça, tu perds ça. Tu mets toutes sortes de choses de côté. Fait que la femme, qui c'est qui reste? Être la fête de la chambre d'hôtel le soir, c'est pas assez pour une femme. Une femme qui a une chambre d'hôtel, elle peut en avoir 75. Mais une femme, elle aime ça être approchée parce qu'elle est délicate, la femme. Elle est sensible, la femme. Et dans un sens, elle est petite, la femme, par rapport à l'homme. Puis elle aime ça être protégée, elle aime ça être elle aime ça être perçue comme étant réellement l'expression de la beauté, délicate, sensible. Fait que si le gars ne l'a pas, ça, parce que les mœurs du temps l'ont convaincu que ça fait plus partie de notre temps, la gentillesse, puis la délicatesse, puis ouvrir les portes. Mais à ce moment-là, mais la femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle n'a plus de mesure, elle n'est plus capable de mesurer l'homme qui vient vers elle. Mais si un jour, il y en a un qui vient vers elle, elle va le voir, parce que ça fera toujours partie de son psyché, ça. Mm-hmm. La femme, c'est un être qui sait bien quand elle t'appartient, et c'est un être qui aime être bien servi avant qu'elle t'appartienne. Mm-hmm. C'est intéressant, ça. Ça, vous appelez ça, vous autres, courtship. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu dis ça en français, là? Fréquentation. Fréquentation. Fait qu'une femme, avant que elle t'appartienne, elle aime ça être servie. Mm-hmm. Ça fait partie des lois de la fréquentation. Puis quand vous êtes mariés ou whatever, quand vous êtes ensemble, à ce moment-là, si ça continue, si tous les rapports continuent, à ce moment-là, elle est contente. Ma femme, elle me sert. Mm-hmm. Mais elle me sert pas dans un sens de que je la domine. Elle me sert pas dans un sens où elle perd son identité. Elle me sert dans un sens qui équivaut au fait que moi aussi, je la sers. Capable de le servir. Vous aussi, vous y appartenez. C'est ça. Parce qu'il y a une appartenance mutuelle. Il y a une appartenance mutuelle. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de problème de personnalité, tu n'as plus de confrontation entre le sexe mâle et le sexe femelle. Fait que le phénomène de l'appartenance est important. Il est très important, le phénomène d'appartenance, parce que c'est ça qui délimite. C'est ça qui décrit ou qui définit votre territoire. Le caractère particulier de votre territoire. Mm. Moi, ma femme et moi, on a un caractère particulier dans notre territoire. Ma femme, par exemple, s'il fait froid dans la chambre, elle va dire il fait froid. Moi, je suis supposé être assez intelligent de me lever, aller fermer la fenêtre. Elle n'a pas besoin de me dire ferme la fenêtre. Elle n'a pas besoin de dire gros sans dessin, va fermer la fenêtre. Elle n'a pas besoin de dire tabarnak, tu vas fermer la crise de la fenêtre. Alain qui a dit, il fait froid. Mm-hmm. Je me lève et je vais fermer la fenêtre. Mm-hmm. Bon, mais ça fait partie de ça. Il y a des femmes qui m'ont dit, le temps où l'homme est à son meilleur, c'est dans le courtship que vous avez parlé, dans la fréquentation. Ouais, okay. J'aime mieux en avoir 10 qui me fréquentent à le maximum que d'en avoir un que je suis obligé de ramasser ses bas. Fait qu'il y a des femmes qui ont appris à voir que dans l'homme, il était à son meilleur quand il ne possédait pas. Quand elle n'appartenait pas au gars. C'est intelligent, une femme, hein? Ouais, très. C'est pas grand-chose avec ça, hein? Puis rendu à 50 ans, ben là, après, parce qu'elle est seule. Ouais, effectivement. C'est quoi le problème? C'est un problème d'adaptation personnelle de ses émotions par rapport au genre humain mâle. Autrement dit, tu peux pas haïr les hommes. Tu peux reconnaître que les hommes sont pas intelligents. Tu peux reconnaître que les hommes sont brutales. Tu peux reconnaître que les hommes sont réellement short-sighted. Mais, t'attires toujours ce que tu dégages. Ça, c'est vrai. T'attires toujours ce que tu dégages. Il y a des lois d'impression. Mm-hmm. Il y a des lois d'impression. Fait que t'attires ce que tu dégages. Fait que si une femme dégage une agressivité vers l'homme, elle va attirer une vibration en retour. Mm-hmm. Si l'homme a une vibration par rapport à la femme qui est particulière, il va retirer une vibration de tout. Tu retires ce que tu dégages. Mm-hmm. Puis ça, il faut le reconnaître parce que ça fait partie des lois des auras. Si tu vas rencontrer quelqu'un, des fois, tu te dis, ouais, je sais pas pourquoi lui, ça marche pas avec lui ou ça marche pas avec elle. C'est des auras. Il mm-hmm. faut que vous soyez capable de réellement prendre conscience de vos auras puis de sentir, de savoir quand vos auras sont stables ensemble. Puis quand vos auras sont instables ensemble, parce que c'est ça qui va déterminer demain si vous êtes capable d'être ensemble. C'est pas nécessairement les fruits de vos passions qui vont déterminer votre capacité d'être ensemble tout à l'heure. C'est vos auras. C'est très occulte un homme qui rencontre une femme. C'est très occulte ce qui se passe au niveau de l'esprit, ce qui se passe au niveau de l'âme. Ça fait que si vous n'avez pas assez d'esprit, à ce moment-là, vous ne serez pas capable d'interpréter l'aura de l'autre. Ça prend de l'esprit pour interpréter l'aura de l'autre. Je te donne un exemple. Un gars rencontre une bonne femme. Quand je dis une bonne femme, là, je dis une femme qui ne va pas y casser les pieds, une femme avec laquelle il va y avoir la paix. Bon. Mais une femme qui est de même, elle ne va pas être énervée trop. Le gars, il la rencontre au niveau de l'âme. Il n'a pas assez d'esprit pour interpréter son aura. Il va dire, bien plate. Elle ne parle pas, elle. Elle est bien tranquille, elle. Mm-hmm. Fait que si l'interprète mal, à ce moment-là, il va en avoir un autre. Et la masse, ouais, t'es excité, papa. Mais après ça, tu t'en vas avec ça, tu vas avoir le feedback de ça. Faut que tu sois capable d'interpréter l'aura d'une personne. Pour ça, faut que tu aies d'esprit. Mm-hmm. C'est très facile d'interpréter l'aura d'une personne si tu as de l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'un aura, c'est une énergie astrale de l'âme qui ne peut être percée que par ta lumière. Fait qu'un aura, ce que ça fait quand tu rencontres ça, ça crée une réaction. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, il est fin, il est pas fin, il est baveux, il est baveux, il est tout, ça va là. Mm-hmm. Tandis que si c'était interprété au niveau de l'esprit, à ce moment-là, les deux auras, ton, le tien et le sien, se stabilisent. Puis les mécanismes psychologiques de la personnalité qui défont la réalité, qui cachent, parce qu'on a des choses qu'on veut se cacher, il y a des choses qu'elle a veut se cacher, on veut montrer notre le meilleur de nous-mêmes, au lieu de montrer notre réalité. Mm-hmm. Fait que si on montrait notre réalité, à ce moment-là, ça sera parce qu'on est capable d'interpréter l'aura de l'autre. Tu n'as pas de problème de... Quand tu es capable d'interpréter l'aura d'une personne, tu n'as pas de problème de te montrer réel devant elle. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, on va-tu prendre une petite marche au parc La Fontaine? J'avais pas peur qu'elle me dise, voyons, hey, tu ne vas pas m'amener au parc La Fontaine, moi, là. Tu vas m'amener dans le bas de la ville, au Stork Club. J'avais pas de problème avec moi parce que j'étais dans ma réalité. Fait que je pouvais interpréter son aura, puis je savais qu'en l'amenant au parc La Fontaine, assis sur une petite balançoire, pousser ça lentement, puis de la côté un petit peu, elle serait très contente, très bien, parce qu'elle est très simple et pas compliquée. Fait que, mais si j'avais pas pu interpréter son aura, j'aurais dit, ben, je ne peux pas l'amener au parc La Fontaine, mais l'amener chez Stork Club. Fait que, on fait constamment des erreurs. C'est pour ça que l'amour humain, c'est réellement une expérience d'âme. Mm-hmm. Puis quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé à l'amour humain. Tu es intéressé à un amour universel, tu es intéressé à un amour mental, tu es intéressé à un échange d'énergie au niveau de deux esprits, où tu n'as même pas besoin d'appeler ça de l'amour. Mm-hmm. C'est simplement un rapport d'énergie qui est perfectionné à un point où tu es bien, point final. Tu es toujours bien avec la personne. Puis ça te prend de la conscience, ça prend de la lumière, ça prend de l'esprit. Puis il faut que tu sois capable de dépasser les conventions de l'humanité. Si tu n'es pas capable de dépasser des conventions de l'humanité, parce qu'on vit dans des cycles historiques, dans des périodes, dans ce que vous appelez, vous autres, des modes. Si tu n'es pas capable de sortir de la conscience de la mode, mais là, tu es fait parce que tu es strappé dans un comportement sociologique qui t'impose de te conduire par rapport à la femme ou la femme par rapport à l'homme d'une certaine façon. Il faut qu'automatiquement, tu vas être restreint parce que tu n'auras pas assez d'esprit pour casser les conventions. Donc, tu ne pourras pas vibrer et interpréter l'aura de la femme que tu rencontres ou l'aura de l'homme que tu rencontres. Puis c'est pour ça qu'on a de la difficulté à rencontrer du monde parce que c'est plein de monde dans le monde qui veulent se rencontrer. C'est plein de femmes qui veulent être rencontrées. C'est plein d'hommes qui veulent rencontrer. Mais les mécanismes sont tellement tordus entre les deux personnalités, que c'est rendu un point aujourd'hui, que c'est rendu un tour de force de se rencontrer. Puis même quand les gens se rencontrent, ils savent plus que ça va durer, ils savent plus comment s'ouvrir, ils savent plus comment se fermer, ils n'ont plus de mesure d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'interpréter l'aura de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils vivent selon la mode. Il n'y a rien de pire. Pour défaire l'esprit ou pour paralyser l'esprit ou pour empêcher que l'esprit se manifeste dans un ego ou dans un être que la mode. Parce que la mode, c'est une convention. La mode, c'est une conscience inférieure. La mode, c'est une conscience astrale. La mode, c'est de la médiocrité. Mm-hmm. Mais étendue à une grande, grande échelle. Bon, là, on en vient au fait que si on attend qu'une personne ait la bonne aura, ça va être long. T'sais. On en vient à poser la question, est-ce que des gens qui ont une aura perturbée peuvent éventuellement se balancer, puis nous autres aussi se balancer, parce qu'avec la vie turbulente qu'on a, on a comme éventuellement besoin de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble un peu. Hein. Je vais vous dire une chose, vous semblez mettre ça comme si c'était difficile. Ça a l'air difficile. En fait. C'est bien moins difficile que vous pensez. La raison pour laquelle c'est difficile, ou ça semble être difficile, C'est parce qu'on n'a pas, on a été mal éduqué, on a été mal éduqué par la société, on a été mal éduqué parce qu'on voit, on a été mal éduqué, point final. Il va falloir un jour que l'homme comprenne, ou la femme comprenne, ou l'être humain comprenne, que c'est lui qui doit ajuster sa vibration. Pas l'autre. Si tu ajustes ta vibration, automatiquement tu vas interpréter l'aura de l'autre. Mm-hmm. Mais si tu n'ajustes pas ta vibration parce que tu veux que l'autre l'ajuste avant toi, là, t'es fait. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on ne comprend pas. On ne réalise pas que c'est nous autres qui devons ajuster notre vibration. On s'ajuste-tu à l'autre ou bien si on s'ajuste à ce qu'on nous autres on vit comme changement? Il faut qu'on s'ajuste à nous-mêmes, pas à l'autre, à nous-mêmes. Parce qu'on a des fractures dans notre personnalité. Il y a des choses dans notre personnalité qui ne sont pas réelles. Mm-hmm. Ces choses-là qui ne sont pas réelles font partie de la façon dont on pense. Fait qu'on veut, automatiquement, on assujettit l'autre à cette contrefaçon-là, puis on veut avoir des résultats. Tu ne peux pas faire ça. On avait l'Église qui nous imposait des conditions. On avait les systèmes qui nous imposaient des questions, qui nous imposaient des conditions. Mais à ça, on n'a plus. Avant, tu mariais à quelqu'un, c'était fait forever. Mm-hmm. Mais c'est plus de même, à ça. Fait qu'à ce moment-là, on va être obligé maintenant de réellement corriger cette perception-là qu'on a de nous-mêmes, puis qu'on a de l'autre, puis réaliser que c'est nous-mêmes qui devons ajuster notre vibration pour que l'autre puisse nous lire facilement. Mm-hmm. Sans ça, ben, on va vivre longtemps le dilemme de la solitude, puis le dilemme de l'incompatibilité, puis le dilemme du retournement, puis le dilemme de tout ça, là, tout ce qu'on vit, toute la vie moderne, là. C'est parce qu'il y a un facteur, c'est que les gens qui n'ont pas bâti ensemble pendant 10-15 ans quelque chose, quand ils se rencontrent et qu'ils ont une expérience de vie, ils ne veulent plus changer pour l'autre. Ils sont prêts à changer, mais quand ils rencontrent quelqu'un en ne voulant pas changer pour l'autre, ils veulent... Daniel Ménard, vous me parlez encore qu'ils ne veulent pas changer pour l'autre. Changez donc pour vous-même. Laissez-les donc faire l'autre. C'est ça. Vous remenez tout à l'affaire de l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Qui mange la mort de l'autre? Arrangez votre vibration, puis l'autre, il va suivre. Ça, je disais. Ah, mais j'avais pas fini. Okay. Ce que je voulais dire, c'est que justement, les gens veulent plus changer pour l'autre. Ils sont tous conscients de ça. Ah, d'accord. Fait que la connexion, ils veulent que ça se fasse sur un quick. Ah, ça, j'ai pas compris ça. Ce que vous avez dit. Parce que j'avais pas fini de parler. Ah, OK. On prend ça en deuxième partie. OK. C'est bien. Donne une petite demi-heure.